Une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Ouais, ouais. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial entourage. Et c'est parti pour la dernière de la semaine avec l'entourage. FG est là, c'est là, Dean Burbigo est là, Monsieur Alpha One aussi. On est là. Il y a Jazzy Bass qui arrive. Jazzy Bass qui arrive. On sait que le Escrew, ils sont en concert ce soir. Ouais, ils sont à Compiègne d'ailleurs. Compiègne, ouais. Ouais. Okay. Vous, c'était Toulouse avec FG hier. Exactement. Hier, c'était Toulouse et demain, c'est Genève. Alors, hier, petit débriefing de ce concert. Les Toulousains sont très bons et les Toulousaines de même. Ils font beaucoup de bruit. Mais elle a l'air un peu crevé, les gars. Ah, non, elle est prête. Les jours, on est là à fond. Le planning a été chargé, surchargé. Voilà, disons ça. Bon, c'est la dernière de la semaine. Ouais. On va faire un petit point aussi sur l'avenir de l'entourage. L'avenir proche, c'est un gros concert le 14 juin. Ouais. Tout à fait. À l'Olympia, c'est l'événement à ne pas rater. 15, grosso modo, avant l'Olympia. Ouais, J-15. Avec SPM en première partie, là, il est dans les locaux, je sais pas où est-ce qu'il est parti, mais. Le noble est là. Le noble est là. Aussi, le noble est là. Fix Pensage qui ne sont pas là, mais qu'on big up. Donc ça va être une belle soirée de rap. Ça va être une grosse soirée rap et on va donner tout ce qu'on a parce qu'on part pas sur une tournée, on part vraiment sur un événement unique. Donc vraiment, on va donner tout ce qu'on a à donner ce soir. Toi aussi, t'es en tournée d'ailleurs toute la France. Tu disais demain Genève, mais il y a d'autres dates que je vais récupérer. Je les avais d'ailleurs. Moi, je suis en train de défendre mon dernier EP qui s'appelait Fin d'après minuit. J'étais venu défendre ici d'ailleurs pendant une nocturne. On s'en souvient. Et avec FJ, comme à l'accoutumée, on sillonne les routes de France pour aller défendre mon EP. Et il a également un projet qui est gratuitement téléchargeable qui s'appelle Qu'est-ce qu'on F. Sur le net. Exactement. Bon, et pour Alpha One, qu'est-ce qui se passe? On sait que t'étais en début de semaine en Hollande. Ouais, j'étais. L'autre pays du fromage. Je prépare des projets sur mon label Dandala, donc j'étais parti surtout pour ça. Et peut-être un album solo qui devra arriver. Il y a la suite avec un 995, mais pour le moment, on travaille d'autres genres de feux pour arriver à un feu plus bleu. Et pour Dooms, on parle d'un jeune qui entreprend. Moi-même, je suis en train de bosser. Le projet Two Things on depuis 13 ans. Non, ça c'est mon solo. Depuis 13 ans, c'est mon solo. Là, depuis quelques mois avec KLM, on est en train de bosser pour sortir un nouveau projet Two Things. Donc ça, c'est fois-ci en dur. Ouais. C'est en groupe. Le t-shirt qu'il avait la dernière fois. Le t-shirt de Romano. Voilà. Le célèbre t-shirt de Romano. Exactement. Est-ce qu'il est en photo d'ailleurs sur le blog Moment, on peut le trouver ou pas? T'es devenu muet, je sais plus. Non. Il boycotte Momo, c'est fini. Il y a une embrouille entre Dooms et Momo, c'est ça qui est. C'est ça, il y a un truc qui est bizarre entre vous. Ah! Monsieur Flav est là aussi, dans la place. Le fond qui Flav est de présent. Ah voilà, tiens, j'ai les dates de Dean Burbigo, fin d'après-minuit, tour à pas louper. Donc demain c'est Genève, il y aura le 7 juin à Maubeuge, le 2 juillet, plage du Glazart à Paris. Donc c'est la soirée de mon anniversaire en plus, donc on va certainement être fort possédé sur scène. Eh bah écoute, c'est magnifique. C'est je tenais à dire que Samy Nasseri aussi est né le 2 juillet. C'est important, il faut le dire. Non, c'est vrai. Non, je ne savais pas ça, tu vois. Et bon, salut Samy. C'est un vrai jour. Qui est très intéressé par le projet Jeunes Entrepreneurs. Il fait bien. J'ai eu l'occasion d'avoir un de ses messages sur une petite punchline qui a été diffusée hier. 7 juillet à Rennes de Nîmes, à Nîmes, donc avec Wiz Khalifa et les Casseurs Flotteurs. Là, tu vas pas t'emmerder non plus. Non plus, on va bien s'amuser, je pense aussi. Festival de Dour en Belgique le 17 juillet. Et qui a la particularité, je joue en solo avec FJ et ensuite on fait le même jour un concert avec l'entourage sur le même festival. Et puis, 17 octobre, Festival de Marne à Alfortville, ce sera un petit peu plus tard à la rentrée. Voilà. Et je suppose qu'il y aura encore d'autres dates, donc guettez bien, suivez les réseaux sociaux de tout le monde. C'est ça. Il y a des dates un peu partout pour retrouver les membres de l'entourage. Et donc le 14 juin, je le disais, à l'Olympia. Ouais. Une grosse date. Bon, si on se rappelait, tiens, pour ceux qui n'étaient pas là hier soir notamment, ce qui s'est passé hier soir, vous avez loupé ça, les gars. Ouais, on sait. On a loupé quoi? Bah, ça. Séance de rattrapage. C'est quand vous voulez, session freestyle dans l'émission. C'est parti, coup d'envoi. Les bouches se collent et les colles se bougent quand les connes rigolent, l'économie coule et dès que la nuit tombe, les connes rigolent et les collègues colériques connes et se couchent. Si t'as raté les gros titres, je suis sidéré par les groupies. Y'a ma zik à la télé, y'a pas de fumée sans feu pour la cigarette électronique. Fais ça gentiment, tu seras une petite poulette qui décoiffe. Déscolarisé, remords-moi Babtou, Romain Michel dans les hauts la misère. On manigance pour les Nova Bigues, pour les modalités, faut que la moralité. Cherche-moi dans le poli, Oli, Fordi, toi les lèvres. Oli, Oli, noir et beige, sors-nous ton regard exotique. Depuis 4 ans, un truc se passe, dis-moi qui peut nier. On a placé quelques frappes, le rap français s'est remis à briller billet. Aussitôt gagné, aussitôt réinvesti. Lâche le micro, t'es fané, tes placements sont impressifs. V6, sous le capot, DMZ sous le drapeau, objectif.

comme ça, c'est extrait de l'album de l'entourage Jeunes Entrepreneurs qui est dans les bacs, qui est même d'ailleurs légalement téléchargeable. Tout à fait. Exactement. Allez-y, ça marche fort pour l'album Jeunes Entrepreneurs de l'entourage. À découvrir ce soir encore avec d'autres morceaux qu'on va passer. Je rappelle qu'il y a des images qui sont arrivées hier, le clip 75. Ouais, tout à fait. 75, c'est le dernier clip en date. Ouais, qui tourne bien pour l'instant. Hein. Moi, très honnêtement, en ce qui me concerne, c'est le clip que je préfère de tout ce qu'on a sorti. Ce que tu nous disais, ouais. Ouais. Ouais, mais ce n'est que le début. Ce n'est qu'un début, bien sûr. La suite arrive. Bien entendu. Jazzy Bass qui fera son entrée. Ouais. On le disait aussi, Funky Flav, tiens, on va faire un point puisqu'on parle un petit peu de l'avenir un peu pour la suite, pour tout le monde, pour Funky Flav. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur un 995 ou même toi? Est-ce que t'as un solo aussi de prévu Pour ce qui est de 1995, on a décidé de laisser la place au solo en 2014. C'était le plan de base, donc c'est ce qui va se passer. Mais on est en 2014. On est en 2014, mais l'année n'est pas terminée. C'est vrai. Et du coup, il y aura normalement Nekfeu et Sniss qui vont sortir un truc. Alpha, peut-être un autre truc. Peut-être, on verra. Je le disais tout à l'heure. C'est surprise. Et il y a Lo et Jazz qui ont aussi des projets de leur côté en commun et en solo. Donc gros ça va arriver d'ici la fin de l'année. Toi, non. Moi non, pas tout de suite. Toi non ? Toi non ? Toi non ? Moi non. Et mais 2015, ça sera pour un 995, donc tranquillement. Donc un nouvel album, un 995 en 2015. On espère, ouais. Bah, un petit mot aussi de monsieur Jazzy Bass qui est là aussi avec nous ce soir. Ça va ? Salut, ouais, en pleine ça forme va, tranquille. Bien, ouais, ouais. On faisait un petit peu le point sur l'avenir, sur tout le monde. Yes. Toi, qu'est-ce que tu peux nous annoncer ? Moi, je bosse tranquillement, j'écris un peu et je prévois de, quand sera bon, d'avoir un album, quoi, de partir là-dessus. Donc je me fixe pas, j'ai pas encore de deadline, c'est vraiment. Pas mouillé, tu vois. Hein. C'est pas mouillé, j'annonce rien, tu vois. Rien, tranquille. Mais tranquillement, tu vois. Bon, force tranquille. Exactement. On y va. Est-ce qu'il y a d'autres membres qui sont censés peut-être aussi rejoindre l'entourage un jour ou vous êtes complet là ou... Non, on est complet. Hein. Là, on c'est complet, full. Full, ouais. Full. Full. Personne n'entre, personne ne sort. Personne n'entre, personne ne sort. Ouais, voilà. C'est sûr. Mmh. Bon, c'est pas mal en même temps. Hein. Ouais, là, je pense que 10, c'est bien, c'est un bon effectif. C'est pas mal. C'est... Tout le monde avec un DJ, on est une équipe de foot. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, exactement. Les latéraux, les buteurs. Le DJ, c'est le gardien. Ouais. Il est derrière, il tient les cages. Un rôle particulier, ouais, comme, ouais, comme tous les gardiens. C'est pas mal. Comme tous les DJ. Un rôle à part et comme tous les DJ. Et comme tous les DJ aussi. Bon, on va écouter d'autres morceaux. Il y aura un live si tout marche, a priori, oui. Oui, oui. Donc d'ici quelques minutes. Qu'est-ce que, Dooms, tu m'as dit un morceau que tu voulais passer? C'était écrit. C'était écrit, tout le monde est d'accord? Ouais. On va s'exposer là-dessus. Ouais. Pas besoin de voter, non? C'est, non, c'est mon track, ça, je kiffe. On vote pas quand Doumam se parle. Alors, faut bien lui laisser sa minute de gloire un petit peu, de temps en temps. Soupe. T'as qui est le plus chambreur de l'équipe d'ailleurs? Ah, on est tous à peu près égaux à ce plan-là. Ça pique de partout. On n'a pas un qui a une spécialité en particulier, non? Oh, les orties, il y a plein de trucs qui piquent, hein. On a chacun nos spécialités, mais on est tous aussi piquants, je pense, à ce niveau-là. Ouais, bah, faut toujours être sur ses gardes en fait. Les mecs qui d'un seul coup qui arrivent, pam, on les attend pas et ça tacle. C'est ça. Exactement ça. Et ben on écoute ce morceau, c'est parti? Allez. Extrait de Jeunes Entrepreneurs. Yeah! Yeah! Yeah! Yeah. Faut faire péter les mots. On veut les meilleurs bails pour les meilleurs prix. Meilleurs prix! J'ai les meilleures femmes dans les meilleurs lits. On a les meilleurs raps sur les meilleurs beats. Fly comme Superman dans son meilleur slip. Mais de décolo, il se lane, frère, on gère de manière quotidienne. Les OGs respectent nos critères obsolètes, vos semaines sont nos week-ends. J'ai dû trouver mes skills pour m'éloigner de cette vie de merde. Et si tout est écrit, je garde mon bic et mon type. On a traversé des crises, fais-nous voir, on fait ce qu'il fallait. Si tu nous vois en festival, c'était écrit. C'était écrit. On a traversé des crises, fais-nous voir, on fait ce qu'il fallait. Vont piétiner, yeah. Tout était dessiné. Elle en l'air le game et ses montagnes restent pétrifiées. Je respecte les anciens, sauf ceux qui haïssent le crew. Ils ont peut-être un passé, mais pas autant d'avenir que nous. Si tu me respectes pas, je devrais le faire au nom de quoi? Ma gueule, ici je vois des chiens qui dirigent des aveux. Je fais tout en même temps, comme un couteau suisse. Ma liberté reste une légende. Quoi, nous aussi? On a traversé des crises, fais-nous voir, on fait ce qu'il fallait. Si tu nous vois en festival, c'était écrit. C'était écrit. On a traversé des crises, fais-nous voir, on fait ce qu'il fallait. Si tu nous vois en festival, c'était écrit. C'était écrit. Je vais aller dans vos assiettes, chez nous sur le polo. Dans 5 piges, cabré sur le capot avec tous mes potos. Raphaël. Je vais aller dans vos assiettes, chez nous sur le polo. Dans 5 piges, cabré sur le capot avec tous mes potos. Depuis la jeunesse, frère, je m'inquiète de rien. En quête de bien, le malin s'attarde sur une paire de seins. Faut que fonce, la victoire est proche. A vu de nez, calé sur la bouche, c'est toujours la mauvaise langue. Mes négros sont prêts à te fumer. On a traversé des crises, mais nous voir, on fait ce qu'il fallait. Si tu nous vois en festival, c'était écrit. C'était écrit. On a traversé des crises, mais nous voir, on fait ce qu'il fallait. Si tu nous vois en festival, c'était écrit. C'était écrit. J'ai l'entrepreneur, l'entourage papy, dans les bacs depuis lundi. Yeah. L'Olympia le 14 juin. One up world, one up world, one up world. Avant que l'écriture existe. Tes hommes trop. Hein. C'est extrait du projet Jeunes Entrepreneurs. À l'instant, c'était écrit avec l'entourage. Yes. Yadine. Non, non, je... Ah, je pique. Je sors c'est ça piquait sur Dooms. Sur FG. Ah, sur FG. D'accord. Mais FG, on l'a perdu, il est parti. Non, il est parti, ça y est, on l'a perdu. Ah, je suis en pleine discussion avec Doomams, là. Bien sûr. Qui est en train de me rappeler. Exactement. Ah, il doit sûrement parler de Naruto, sûrement. Ah, là, il faut savoir que c'est les deux fervents... kiffeur de manga ici là, à droite de la table. Ouais, on aime bien ça, on aime bien ça. Bah Fred il le sait, nous avait filé des places à l'époque avec le... C'est vrai qu'il y avait le festival des mangas là, je sais plus le nom, mais il y avait festival, ouais. Japan Expo, je crois. Japan Expo, ouais. Ah, le truc à la Défense, hein. Non. Non, non, c'est pas la Défense. Versailles. Versailles, ouais. Versailles. Ah. Vous y étiez quand même, les gars. Oh, on y a été. C'est fou, on a kiffé. Il y a été. Quoi avec moi... tout le escrew. Bon, bah voilà, il y a le escrew, c'est parti. Mais toi, t'étais pas invité, en fait, qu'est-ce qui se passe? Non, tranquille. C'est plus trop mon délire, on va dire. Bon, qu'est-ce qu'il faut suivre d'ailleurs en manga en ce moment, les gars? En ce moment, il y a une idée. L'attaque des Titans, c'est ouais. Un nouveau manga qui vient de sortir. Après, ouais, il y a les classiques, One Piece, Bleach, Naruto, qui sont toujours, qui sont là quoi. C'est un petit point, petit point manga avec Doomams à l'instant. Sur Skyrock entre 20 et 21, l'album c'est Jeunes Entrepreneurs, il est dans les bacs depuis lundi. Ouais. Depuis lundi. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur cet album qu'on n'a pas dit cette semaine, que vous aimeriez préciser ou qui vous paraît important de dire autour de cet album, autour du collectif? On a usé vraiment du sang, de la sueur et des larmes. Et on est 10 individualités, donc c'était vraiment dur de faire un album. Les gens n'ont pas conscience à quel point c'était dur de faire un album. Bah, surtout quel point nombreux comme ça. À quel point toutes les bagarres qu'il y a eu pour chaque son, tu sais, on a dû faire les bagarres d'ailleurs, et on a dû faire au moins une 35-36 sons, et au final il en reste plus que 19 avec la version iTunes, ouais. Et voilà, tu vois, c'est dur, on en a expulsé 20, et vraiment c'est ça fait mal au cœur. Ouais, pensez à l'âme de ces morceaux. Ouais. Bon, est-ce qu'il y aura des collecteurs qui peuvent arriver aussi, des inédits? À tout moment. C'est ton jamais. À tout moment. On sait qu'il y avait déjà un morceau qui est Caramello qui n'est pas sur l'album que vous aviez fait lancer. C'était pas en premier d'ailleurs. Ouais. Ouais. Ouais. C'était un petit peu le retour parce qu'on n'est jamais vraiment parti, mais c'était un petit peu la carte d'avant l'album pour annoncer ça y est, ça va sortir. D'ailleurs, c'est important de le dire. Le gars qui a fait la prod de Caramello, il est dans la pièce. Mais du coup, c'est aussi celui qui a fait la prod des Rois. Les Rois sur c'est la track numéro 4. Exactement. Donc un grand salam à Mitch Buchanan qui est dans la pièce. Cannon. Bah rappelez un petit peu les producteurs d'ailleurs. Saluer des gens qui ont bossé avec vous autour de cet album. T, ouais. Hologramlo, ouais. One Up World, Mitch Buchanan, DJ Elite, Vaccin, Animal Son, on en oublie toujours, il y en a beaucoup, on en oubliera toujours. Gros Chien. On l'a déjà dit au début. Ah ouais, ouais. Ah, je redis encore. Tu pensais encore à Naruto? Non, je pensais au Gros Chien, tout simplement. Voilà, au Gros Chien. Hologramlo. Ça s'appelle Gros Chien. Ah, c'est lui? Ouais, c'est un Gros Chien. C'est le Gros Chien, pardon. C'est le Gros Chien. Mais il est pas sur l'album, DJ Lo, on l'a dit. Non, sur la version iTunes, en fait, tu peux trouver deux sons de lui. Ouais, exactement. Mon Réalité et Dernière Fois. Donc, allez cliquer dessus. Dans quelques minutes, on reviendra. On mettra encore un morceau de cet album Jeunes Entrepreneurs. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous avez décidé? Ce Monde, peut-être. Je sais pas, on l'a pas encore mis. Allez, ce monde, vas-y. Ah, j'ai l'impression qu'elle fait un petit doute là-dessus. Non, je suis les dix. Quand tout le monde vote dans la même direction, je suis d'accord. Le diplomate africain. Exactement, c'est dans la diplomatie constamment. Et ben, on écoutera donc le morceau du diplomate dans quelques minutes aussi. Bougez pas. Hi. Ça arrive. On vous attend aussi pour faire tourner la roulette tout à l'heure. Inscrivez-vous 41759. Le hashtag, c'est l'entourage sur Skyrock. Si on nous dit album collector acheté, on peut encore en trouver peut-être des albums collector à la Fnac? Je crois que ça me paraît délicat, hein. Il en reste quelques-uns dans les bacs, mais il est plus ni en commande, ni en réassort, donc c'est vraiment les derniers. Si vous voyez que c'est le dernier dans les bacs, c'est le dernier donc qui ira. Il faut se jeter dessus. Et aussi, les vendeurs de la Fnac, des fois, ils en gardent. Ah. Non, vas-y. Derrière les rayons, là, ils attendent quelques semaines pour les prendre pour eux, tu vois. Mais si tu leur casses bien les couilles, tu peux les trouver. Ok, je n'étais pas au courant. Il en restait à Nantes quand on est allé faire la dédicace. C'est les bons conseils de Flav, en fait. Yes. Ah. Il surveille tout. Exact. Et aussi, je voulais dire que vous pouvez retrouver Abou, qui est aujourd'hui au Gobelin avec toujours des t-shirts. Dépêchez parce qu'il en reste presque plus là. Ouais. La semaine a été dure. C'est gratuit. Il y a Abou tout seul aujourd'hui. Ouais, Abou est tout seul quand Jicotan a pas pu se libérer ce soir. Donc, il est pas loin du McDo, donc cherchez-le. Donc, Gobelin. Voilà, des t-shirts et des albums. Direction Gobelin pour tous ceux qui sont sur Paris, région parisienne. Mais dépêchez-vous pour retrouver Maître Sidibé avec moult cadeaux. Yes. Allez-y, on revient dans un instant. Bougez pas, le retour de l'entourage, c'est après ça. Comme toi, l'entourage a choisi Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est le Planet Rap avec l'entourage. Pendant que le live se prépare, il va y avoir un gros live dans quelques minutes. Messieurs, un peu de calme, juste deux secondes. Ah non, mais ça y est, il est parti le DJ là. Ah là, voilà. On reprend un broadcast. On est en direct, messieurs. Pardon. On est en direct, messieurs. Mais au moins, c'est bien, on a eu une ambiance parisienne. Franchement, vous avez de la chance, vous avez eu du backstage, tu vois. On a eu un bon backstage avec toi, surtout, c'était bien. Beau backstage. C'était un beau backstage. Dans un instant, du live avec beaucoup d'invités aussi avec Entourage ce soir. Ouais, on a Esprit Noir, on a SPM, on a Panama Bendé, je crois qu'il y a SO qui est arrivé. Et voilà, ça va être ça. À découvrir dans un instant. Mais juste avant, on avait promis un morceau. Oui. Ce monde, extrait de jeunes entrepreneurs. Et avant ce morceau, je voudrais passer un gros big up à nos gars du S-Crew. Ouais. Quand même, il faut le dire qu'ils sont pas là ce soir, mais qu'ils sont en concert. Donc, les gars, faites ça bien, comme d'hab, hein. On devait vous appeler, mais ils sont en répète. On veut garder du temps pour le freestyle, donc, donc on vous appelle pas. On vous appellera après, quoi. Tranquille. Gros big up à la famille. Ouais. Et tout. Et avant de lancer ce monde, je voulais dire aussi qu'on était contents parce que, tu vois, quand t'es un artiste, t'as envie de faire évoluer ta musique. Et je pense que dans l'album, on a vraiment réussi à faire, quelque chose, à faire évoluer ce qu'on faisait, tu vois. Beaucoup de sons sur lesquels les gens nous attendaient pas forcément. Et voilà, là, je pense qu'on est fier de ça. Voilà, ça c'est vraiment un exemple. Donc prenez-vous cette shit et vas-y. Plus voilà, la chansonnette. Le morceau s'appelle Ce Monde, il est extrait de Jeunes Entrepreneurs et on l'écoute maintenant avant le gros freestyle qui se prépare. Loupez pas. Je me sens mal dans ma peau, pâle dans ma chambre, je me noie dans l'alcool. Je suis pas fait pour ce monde. Non, je suis pas fait pour ce monde. Je suis hyper sceptique, je ne crois que ce qui est perceptible. Envie de percer pour mon père qui perceptif. Je suis pas fait pour ce monde. Non, je suis pas fait pour ce monde. Moi je suis déterrior. À l'inverse de la plupart des terriens, tous déterriors. Les larmes se versent, t'es déçu par les traîtres et à l'intérieur. Tu sens que t'es pas fait pour ce monde. Rien n'est parfait, les rêves partent en une seconde. Je suis pas fait pour ce monde. Brûle comme mon mégot ou mes factures. J'ai arrêté l'école parce que je trouvais la facture. Je suis pas fait pour ce monde. Non, je suis pas fait pour ce monde. Un frère au fait le lâche pour une affaire de cash. Les pieds sur terre, mais j'aimerais m'envoler vers l'espace. Je suis pas fait pour ce monde. Non, je suis pas fait pour ce monde. Je suis pas fait pour les autres. Ouais, j'ai la flemme de faire mes pas plats. Les lois, c'est que des sonnettes. Épargnez-moi vos blabla. Laisse-moi rouler ma weed. Je suis pas d'ici, frère, je viens de loin. Je suis dégoûté de la vie. Bourré, si je crois, ça ne fera qu'un de moins. Je dors dehors et me sens invisible. J'aimerais me téléporter loin d'ici. Je suis pas fait pour ce monde. Non, je suis pas fait pour ce monde. Pourtant je vis là. La drogue me console alors je l'inhale. Triste comme une fête des mères à l'orphelinat. Je suis pas fait pour ce monde. Non, je suis pas fait pour ce monde. On vit dans le conflit. Se bat pour des putains de drapeaux. En vrai pour le profit. D'un état qui nous mène en bateau. J'écoute les consignes. Au risque de périr, tu pars à l'assaut. Frère, je te le confie. Tu es tombé dans le panneau. L'entourage, ces entrepreneurs, depuis lundi dans les bacs. 14 yeah. juin à l'Olympia. Note ça dans ton fucking agenda. Blah. Alpha fait des dingueries. Ce monde extrait l'album Jeunes Entrepreneurs de l'Entourage. Yes. Sur Skyrock entre 20h et 21h. J'ai l'impression que tout le monde est prêt. J'ai l'impression que ça s'est bien rapproché d'un seul coup près du micro. Là. T'as vu ça un peu? Ça, ça pue le freestyle. Voilà, ça pue le freestyle. Ça pue le feu, ça pue le feu. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Si vous avez les images, allez les mater sur skyrock.fm. Alors je tiens à rassurer tout le monde, c'est un peu enfumé ce soir. Il y a un peu de brouillard dans le studio. Non. C'est cool. Si un peu. Mais l'ambiance va être très bonne maintenant, puisque si vous êtes prêts, c'est l'heure du live, messieurs. Répétition avant le 14 juin, vous serez à l'Olympia le 14 juin. Prenez vos places. Loupez pas, prenez vos places pour aller voir l'Entourage en concert. Et bah, coup d'envoi, c'est parti. Yeah. Quand elle vous en voulez. L'air. Yeah, yeah, yeah, yeah. Philly, flingue, yeah, yeah. Jeunes entrepreneurs. Les liqueurs de luxe dans le pichet sont de rigueur. Je fais mon job à plein temps, j'ai même plus le temps de pisser. Les liqueurs de luxe dans le pichet sont de rigueur. Mais je fais mon job à temps plein, j'ai même plus le temps de pisser. Guette comment j'use le MIC, je suis un killer. Laisse les paparazzi faire des thunes avec leurs clichés. J'ai négligé les études rap à la recherche du Graal. Tous les jours, 7 sur 7 du câble, j'esquive les pincettes du crabe. Yeah. Mes poches prennent du câble, coffre à l'arrière du câble. Style de G-Money avant qu'ils prennent du crack. Certains pour faire passer la vie vont taper de l'acier. Moi, je suis dans une Maserati, je fais comme ceux qui croient au jazz et la scie. Je taffe pendant que d'autres baissent. Quelques contacts à la Franck Lopez. De préférence, franco-belge pourrait me rendre obèse. J'essaie pas de vivre avec le danger constant. Yeah. Je sais qu'on sera toujours des étrangers et qu'on se ment. Donc je m'accroche à la cliff en cœur. Les mains sont dans les cahiers, la tête dans l'argent, la mise dans le cœur. Yeah. Y'a grave la maille en jeu, je complote grave, t'arranges là. Mon armoire, un ranch, flingue, musique, drive, flingue, un cheval. Flingue. Toujours pas de mocassin. Yeah. Je suis dans le building, pète le courvoisier. Si est-ce tu crois qu'on est encore voisin? Alors qu'on donne plein les caries, je veux le gâteau comme un LK. Je suis résolu. Sur mon 31, je prépare les années qui arrivent. Chez moi, ils sont sûrs de quoi? Je maîtrise les pompes sur deux doigts. Pour eux, je suis King Kong. Ils veulent pas que j'emmène leur blonde sur le toit. Ils veulent pas que j'emmène leur blonde sur le toit. Ils veulent pas que j'emmène leur blonde sur le toit. Bla bla bla, ils adorent parler plus que les autres. Bienvenue dans le tournoi de la jactance. Bienvenue dans la fosse. Là où beaucoup t'attendent pour te jeter des cailloux dans le dos. Là où tu peux assumer en face, te diront non, c'est pas nous. Gros, ça se passe la pommade quand c'est la mode. Puis ça se rétracte un an après quand t'es redescendu la côte. C'est dur. L'entourage, on maintient le gap. Ils chantent avec nous pour leur montrer que leur jalousie nous atteint. Hey, jeunes entrepreneurs et dans les boys. Dur. Et dans les bacs. La jugette met des peines planchées, check. La jugette met des peines planchées, mon pote. Esprit noir, négro, l'entourage, jeune entrepreneur, on est La jugette met des peines planchées, je t'avais dit qu'elle est pas commode. Donc c'est la même pour les trois quarts et te fout direct au placard. Tu parles de politique, je te parle de flics qui tuent dans nos cités. De casse de banditisme, des schlags intoxiqués, de vraies atrocités. Des mecs qui s'attachent à la tâche, qui saccagent ton appart. Ensuite mon pote qui s'accapare ta part. Au MU, dès que nos pans le crâne, que ma jeunesse saturée craque. Se retrouve dans le bloc pour prendre du grade, force et prenez la pente du crack. Du mal à s'attacher aux filles, on peut pas travailler pour SMIC. Nos crânes, mon pote, sont saccagés au shit. Laisse ça capillon. Hey yo, file-moi un revêt que je décolle. Check, check, check. File-moi un revêt que je décolle. Hey yo, file-moi un revêt que je décolle. Frère, je me sens plus près de la maison de retraite que de l'école. Tous les soirs, je me pousse, mais je ne regrette que de vrais torts. Acteur de ma vie avant qu'on me jette dans le décor. Je dois éviter le mesquin. Dans ce film, ton éline, c'est le destin. Les détresses, Dieu qui le rédige et nous prédit. Peu de belles fins. Les couples, je les ai trouvés en route. Le souffle d'un taureau en deux tapes avec des sous-vêtements rouges. Tu vois le topo, mec, on roule tricard. En coupé dans le hood, ça l'air de smicard avec un lifestyle de courtier en bourse. C'est pour mes lèvres, t'as trop dégoûté par les journées sans flouze. On veut le milliard, mais je ne vois que quelques dinars sous le coussin. Genre qu'un mouflet en douce. Je suis prisonnier du ciment, tu ferais parler gentiment. Tranquillement, je ride avec des meufs que j'ai draguées en sifflant. De temps, il me reste peu à vivre. J'laisse mon esprit s'évader, j'écris des pavés. Inspiré par ceux de ma ville, entrepreneur jeune. Entrepreneur jeune, entrepreneur jeune, entrepreneur jeune, entrepreneur jeune, entrepreneur jeune, entrepreneur jeune, jeune. J'ai pas tard d'avenir l'arroser. Yeah. Le Nike Neve. Ok, C'est un terrain, j'ai pas tardé à venir l'arroser. Car de Nike neuf, les balles pleuvent, au vrai je suis adossé. Pas besoin de jouer les gangsters, les feux mes faces se transpercent. Je porte les couilles, les poids de mes mots, c'est pour ça que j'ai des grosses lèvres. Je n'ai plus ma molière, tout ce qu'elle peut faire c'est déguiller. Black comme une plantaire, j'ouvre mon milieu au pied du lit. Fuck leur grand-mère, je dis que l'esclavage est fini. J'ai des bananes sur T1, on va jouer pour ton pays. Mon gars d'acier, tout ce qu'ils peuvent faire c'est jacter sur mon dos. Je vais finir le taf sur Hello, comme les commandos. Sur la route, beaucoup de traits, fais belle et poteau. Pour venir dans mes pensées, j'enfile un casque en magnéto. Yeah, j'ai un entrepreneur, l'entourage, un saut. Yo, DJ Captain, change de but, là ça y est, on a trop entendu celui-là. Balance la suite, jeune entrepreneur dans les bacs. Jure, hein, yo yo, beurre, bigo. Jure, hein, beurre, bigo. Ici, lave des fils, on fait que l'éviter. S'évader, s'éviter. L'éviter, s'évader, c'est l'idée. On a le shit et la weed, très tôt pour quitter la ville. Très pété, mes gars ne font que débiter. On plane au-dessus de vos têtes. Faut se réveiller, les gars, j'habite les discothèques. Faut pas dégainer les armes, mais je fais péter les sables pour révéler les arts dans des petits coquets. Les méchants très tard avec le slip au bec. C'est ma vie de galérien. Comme les actions d'Apple, jadis on disait que je valais rien. Je traverse le brouillard, la brume ne se dilue pas. Dilue pas. J'étais quoi, plume depuis ma plume a pris du poids. Pris du poids. J'ai pris du cash. Pris du cash. Je l'ai aussitôt claqué. Débossé, je me suis réchauffé en enchaînant les verres de Morito glacé. Les promoteurs veulent nos prix au rabais. Ces PD parlent beaucoup trop vite au passé. On a des adaptés à prendre dans les fanatiques attendent dans les stands tels des toxico fâchés. Bang bang, je remercie mon public. Ouais ouais, tous les gens qui m'écoutent. C'est grâce à vous qu'on avance, grâce à vous qu'ils reculent. Un pour le son, deux pour le PQ. Frérot, tu connais déjà la bande. On les met à l'amende, on fait la diff. Les fans me demandent en photo, photo. Mais à la bande, je suis négatif, négatif, négatif. Est-ce que je vais baisser mon froc négatif? Des gros pètes de veux, je mets une vie. Je fais ce que je veux tant que les vrais kiffent. Frangin, je te l'ai déjà dit, je suis lancé depuis les kilabits. Marseille, Toulon, je n'oublie pas Nice. Planète des atouts, le 06. Je sens que dans ma tête, c'est le désordre, hein. Tu ne sais pas vraiment qui je suis. La nuit, tu me dis je t'aime et moi je fais le mort. Tu ne connais pas mon style de vie, je suis souvent de la peine et je me raisonne. Quand je te vois endormi sans bruit, je file et je vis la nuit. Tu ne t'imagines pas ce qu'il m'arrive. Et je rôde avec les faux valeurs où Paris s'éteint. Où je vis la nuit et j'imagine l'implant parce que je veux tout faire pour honorer la parole que j'ai donnée. J'ai promis de t'emmener vers de nouveaux horizons. Ma chérie, j'ai envisagé de me salir les mains. Au but de l'un de l'autre, parce qu'on ne sait jamais tout ce qui pourrait bien nous arriver demain. La nuit, je me parle à moi-même, qu'est-ce que je vais devenir? Chérie, je le sens que tout ça m'entraîne vers le feu, mais je veux vivre. Quand il est trop tard, tu te questionnes pourquoi est-il autre part. Chérie, le soir, je monte sur scène et j'ai l'attitude d'une rock star. C'est terminé, t'es terminé à t'exterminer. Une fois tout exterminé, on est déterminé. Déterminé à t'exterminer. Une fois tout exterminé. Ah, English. Ah, toi j'ai des soirées, c'est agathe pour vous, ça va. C'est quand ça gâte, t'es pas marié de la pommade. Chez moi, chacun s'en dit, va dans la crème de la pommade. Et si tu parles mal d'une bonne patate, après les pommes, les portes ont des fonds, tu t'en fais, c'est ton lationnet. Ils quittent l'école pour des pays, pour ton panette. Comment de trois barrettes, tu ne finis par des plaquettes dans des blocs, y'a des stocks de frappe sur des palettes. Et je connais des OG, Nino Brown, qui forment des petits Bobby Jones. Qui parle d'un verre, te renvoie et qui tape dans la blanche, quand Whitney, Bobby Brown. Le bro attire jaloux, bitches, j'tard. Ou redresse avec Berry, Berry. Rappelle ça à ceux qui parlent avec un coup de tête, avec une balle dans la tête. Va, Berry, Berry. On a notre propre sécurité, donc fuck les CRS. J'suis dans les soirées. S'il y a du riche et de la CRS. Les hustlers en Twingo rêvent du dernier CLS. Merde, c'est d'être trop déter, mec, il me faut ma Mercedes. Yes, mec, le coin est urbain, pas rural. Si on se prend des portes, c'est normal que la rue râle. Derrière nos GS 31 se prend les plans. Ben, Poucaf s'est fait cri. Blé, mauvais père, prend une balle. Blé. Jeune entrepreneur. Tu veux me comprendre, ma mène? Je fais pas ton flouze, mais ta parole. Que tu vas pas mettre des carottes, même si c'est rare qu'on s'appelle. Viens, on vit ce qui se passe. Rempli de travées de zombies, enlève ton masque. Guette-moi dans les yeux, c'est pas trop pris. Hey yo, qu'est-ce qui se passe? T'es plus qu'une coquille vide, ouais, qui vit. Du nouveau pote, ton bon pélin, but ton bif. Y'a que les vrais qui savent ce qui se trame derrière tous nos buts. Tu te reconnais, poteau. Fais pas ton bourré, assume tes propos, menteur. T'es qu'une poupée entre les mains de Gepetto. T'es qu'une poupée entre les mains de Gepetto. Le freestyle, hey yo, c'est convivial, frérot, le freestyle. c'est convivial ayant le freestyle. C'est convivial ayant le freestyle. Ayant. Jeune, yeah. Ah, y a des piqûres. Viens pas me parler du passé, imbécile. J'pourrais carrément me fâcher. Sache qu'ici sacrément le son sacrément sacré. J'pourrais me passer t'en parler, ça c'est dit. Tu vas te le prendre en pleine tête quand le scud y va vérifier. J'ai ce truc en plus que seul les Miss Flair. Yeah. J'ai rocké ta ville et tous les misfères. C'est vite fait, bientôt je m'attaque au sud. Le rap est une barrière sociale, mais tous mes gars rapent au-dessus. Stopper de faire les KRA, ça ne sert à rien. Si face au G, tu finis face dans le bitume, ça sert à rien. Ils me prennent pour un fou quand je gratte mes textes dans le métro tard. Car je fais de grands gestes et je me prends pour mes dogmas. Moi je suis dans le crew, le plus important, la vie la plus importante. Yo, je suis dans le coup, F, chiffre dans bouche. Dans ma chambre, c'est le bronc, je vis dans le hood. Je pleure quand je ris, je pleure quand je ris, je ris quand je souffle. Je gratte ces rimes de tête allongées dans mon bain, léger en bon point, d'un verre dans mon joint, posé dégustant mon vin. Je vends mon pain, je gagne à 100 contre 1, plus très triste dans mon coin. Sandwich de jambon d'Inde, relax, car j'ai plus le temps pour rien. Yeah, yeah. Jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs. La vie est ainsi faite, envier les alliés du système. Chaque matinée, son palier, le cœur habillé de tristesse. Les yeux rouges écarlates, rentrant d'une soirée banale. Boire et foirer sa life dans l'espoir de croiser la joie. Gars, je te croyais capable, pourquoi tu détruis pas comme nous, réduit dans des débris d'alcool, croyant que Dieu pardonne tout. J'attends que les juges de mon âme me condamnent, qu'ils se demandent si je suis têtu ou si j'ai lu le contrat. Me convoitant pour que débute un constat immoral, comme mes pensées emprisonnées dans les cellules de mon crâne. Mes gars se foutent de la sentence. Toi, quoi la peur, yon, c'est tout ce que t'as dans le ventre. Je me suis retrouvé en présence de la démence, chemin faisant dans l'indécence. La roue tourne, mais dans quel sens? Est-ce qu'on avance ou on recule? Dans cet enfer, le temps nous joue des tours et la roue tourne à l'envers. T'es du père si tu crois que je récupère des écus. Lorsque j'ai lu même mon vécu, mec, j'aurais dû faire des études. Dans les rugères sans vrai but, la vérité c'est que ça me rend fou comme ces rages méprisants. Me disant que je ferai pas de grands coups, je veux pas d'une vie fade et sans goût, je craque. Des fois je pète mon câble, sans tromper pour compter du fric comme un expert comptable. La vie une pêche frontale, ils font les fiers, mais tous mes frères ont mal. Pas de cœur, je pierre face aux pierres tombales. Je suis pas encore assez riche pour avoir le temps d'écouter les critiques sur ce que je sais faire de mieux. Je crache la pierre, le feu. Je suis d'humeur volcanique, j'aime ce sport, mais il me fait yesh ce jeu. Je gagne les nouveaux styles, comme la coutume parisienne le veut. Y'a trop de haineux et de fous, puis y'a les billages pour que nos queues tapent leurs boules. Elles veulent passer sur le billard. Toujours pas de disque de platinum, nick, je charbonne. J'ai promis des trucs à mon flé, faut pas que je brise le pacte. Tout ce que j'enregistre claque, je visualise le pactole. Je veux les brunch, les lunch, chill au Carlton. On se croirait au flunch. Buffet à volonté, ces bouffons avalent tout, s'te plaît, ne mixe pas le don avec les autres. Ils ont des maillots réversibles, aucune passion, ils n'ont plus de caleçon. Tout ce qu'ils voulaient, c'est percer vite. Laisse un négro faire ses billes de façon excessive. Je mets le terrain sous occupation, comme moi, tu sais que le nerf, c'est le bif. Y'a trop de haineux et de fous, puis y'a les billards pour que nos queues tapent leurs boules. Elles veulent passer sur le billard. Y'a trop de haineux et de fous, puis y'a les billards pour que nos queues tapent leurs boules. Elles veulent passer sur le billard. Je roule un bout de Zeb, il a tenu mes pensées. J'écoute du rap français, j'aime bien Katana de l'U2F. Je gratte pendant des heures, car pour le next level. Je sais qu'il faut frapper en pleine lucarne comme Cantona de Manchester. J'aimerais exceller, mais je fais que décevoir ma mère. Pour elle, tu comme j'allais du PSG. En gros, j'ai fait trop d'erreurs. Je pense qu'elle me bourrait le crâne, alors que pour le rap, j'ai trop d'aisance. J'ai les connaissances qui font que je suis aimé par les connaisseurs. J'ai mes frangins, ils rappent mieux que les anciens. Grand 2, j'aime jouer franc jeu. Soit ils ont sur sans censure pour le grand 3, qui démontrera qu'il n'y a pas de semblable. Car on connaît les enjeux et on connaît les enfants. Jeunes entrepreneurs, entrepreneurs jeunes. J'ai passé des années à errer dans l'ombre, le ventre creux, je plaisante peu. Un plan de bœuf pour me calmer, l'errer dans l'ombre. Même les gens que je fréquente peu prétendent que je suis peiné dans le fond. Ils savaient ce sans écouter mes chansons. Happé par la weed, je fume et baisse pour passer le temps. Marqué par la vie, un regard peut te glacer le sang. J'ai vu l'envers du décor, perdu des proches, j'ai perdu des sommes. Mais même à l'ouest, j'ai pas perdu le nord, je sais où sont mes vrais frangins. Les autres sont là depuis deux jours, soigner leur niche pendant que j'étais en chien. Fort fond et torse, bombé à la mort. Hey, le rap est à bigos que la bombe est à la corde. J'aime quand y'a du tel bord, j'veux entendre les gars. Si j'signe dans une major, ça sera en tant que DA. J'fréquente des gars et j'vais dans le détail. J'veux répandre mes phases et faire des ventes être légal. Si t'achètes pas mes disques, bah je vais finir par me barrer. Et si tu veux me décrire, t'as qu'à définir Radmarée. J'rappe pour mes sales gueules, veux bar face cramé. Petit prince de l'époque, Serato et punchline hashtagé. Cramé, j'suis pas dans le business de la Hollande. J'ai eu la chance d'avoir un parcours d'une richesse affolante. J'côtoie le vice et la violence développe rime et assonance. Puis que j'ai quitté la Provence, on m'adule, on me félicite. Quand j'étais dans le sud, ils se demandaient qu'est-ce qu'il fait ici. Non, je ne suis pas dupe, vas-y doucement quand tu me félicites. Franc avec l'auditeur, mais froid avec l'éditeur. J'écoute leur Aluciano et le comprend après les piges. Faire je vis sans limite, fier de mes origines. J'aime l'oseille, le soleil, le pollen et les jolies filles. Big up à mes Toulonnais, mes sudistes anciens. Et nique les prépubères qui jouent les puristes anciens. Jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs. Ah, oui, ma mère. Ah, écoute ça. Entourage. Je tente d'écrire, mais ma page reste blanche. Encore un soir où je tente d'écrire. Encore un soir où je tente d'écrire, mais ma page reste blanche. Peu d'inspi, le ventre vide, il me reste un sachet à vendre. Je me dirige vers le 6 là-bas, un los bar m'attend. Je me remplir le bidet, frigo. Devant la banque, on se voit. On monte chez l'os, la transaction se passe en balle. Puis je fonce dans le trou, on me rejoint tous mes gars en bas. Ça roule des cônes, nous devrais-je plutôt dire des pattes. Goûte cette dope qui me fait relativiser. Le mal, c'est le mal, on le sait tous, mais cela dit, j'y vais. Faut que tes probabilités, je tenterai ce pari risqué. Il faut des pépettes pour grès, je suis pas du style lefto. Garde à ma conscience pour moi, donc fais de même, frérot. Hey yo, c'est convivial, j'ai dit le freestyle. C'est convivial. Hey yo, le freestyle. C'est convivial, on m'a le freestyle. Ouais, pas là ma bende. Je suis arrivé pour éviter les mystères. Et t'as liquidé l'humilité, pourquoi vérifier si t'as tant de flair. Frère, faut se méfier de tout et de rien. Mais pas couper les liens, seule différence, on voit tes gasters. Compte faire des dégâts, pas à pas, la pas fait des siennes. Ce soir j'ai les nerfs, il faut que je me vide car j'ai la vessie pleine. Et j'insiste même sur le fait que ce putain de système m'insupporte, mais j'hiberne dans leur putain de frigidaire. Les mains en l'air, je vais pas parler de savon ni d'âme. Rivière de larmes, c'est un drame. Tirer la lame, ma plume aiguise ma lame. Réincarnation de Duncan, MacLeod. Mystérieux comme le Loch Ness, les couches en caisse, le plus rusé de la tête. Je suis pas fasciné par l'homme, dommage. Passe la pommade et fais le ménage, ne fais pas le max, sinon je te laisse ma trace. Plutôt dans l'ambiance de Nas classique, la technique est maîtrisée. On a des flots stylés dans l'oreille du mec postiché. Ma folie évolue dans la cohue bien connue de nos rues. Croyez comme le promu et résolu à donner du volume. Atomiser l'ONU et ses obus d'une époque révolue. J'atrophie les faux que qui voient qu'aucune de nos plumes sont voulues. Je peux être un malade qui t'arrache la gorge ou un savant. Je suis cloîtré dans un cafarnaum. J'écris de longues partitions mais suis-je en bonne compagnie. Dans mon crâne c'est un combat gars, ma tronche est pleine de contradictions. L'amour ou la haine, le bien ou le mal, la guerre ou la paix. Dans ma tête c'est Jérusalem. Je tiens ou je craque, comme celui qui sous le trac braque, puis détient tout le sac. Petit, on lui disait taf et tu obtiendras le bac. Pas tu deviendras ce barjon qui aime bien trop se battre. Mais faut bien que t'en fasses trop. Mec, je connais cet état de choc quand tu prends du recul sur ta vie et que ton regard se bloque. Dans ma tête, je vois des bons amis et des renards me moquent. Une merde qui te contamine quand par le soir tu ne dors pas. Une course d'obstacles, mon moral est négatif. Ai-je besoin d'une thérapie ou d'éradication là. Ouais, j'ai pété un câble comme un putain de pasteur en train de baiser une traînée à femme. Va tous leur dire que je fais du son comme à leur dit. Qu'ici si on fracasse tout leur but et qu'on veut tabasser leur flic. On voudrait faire affaire, mais à vrai dire, on flaire pas tous vos types. Sniff, sniff, ça sent la douille. Une main, on consomme pas vos tripes. Donc on baissera pas notre slip. On consomme des joints nocifs. Sif sous la fenêtre d'un sauce en 4 bagarre ou de pagaille. Flow saccadé, dope saccagé. Trop de macabées, des fougères à la rue Marcadet. Tu vois de plus en plus de corps entourés à la craie. De plus en plus de copes et de pédophiles qui rôdent derrière la crèche. Cousin prévient la presse. Tu joues au contre ton compte te fait l'une côté. Si t'es chaud, envoie leur et l'adresse. Beaucoup tombent, très peu sont acquittés. Pendant ce temps-là, il me faut des liquidités pour ma solidité. Pas que la mienne, mais aussi celle de ma famille. Pour ne pas crier famine, ça vend du H et des amphétamines. Jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs. Ici c'est 7 et 5, les vrais muchachos. Des représailles dans la city. Un bruit d'aide par des mauvais garçons comme Diddy. C'est mon business, je milite. Lion noir sur la cape. Si y'a plan équitable, ok viens on scap. Si y'a langue de bois ou balance, ok on le scap. Quoi, t'es soi-disant frère, je les scap. Shit, rien que ça resquive par ici. À Bardagamo, on fait du Verali sur Paris. Vente d'objets volés, on esquive les villes-ci. Shit, je parle de missiles pour homicide. faut et des thunes, on t'en a saoulé. Faut des thunes, le temps et les larmes ont trop coulé. Hein. Pour obliger, vendre du bac, pour vendre du bac. On prend de l'argent, Maybach. Autour de moi, y'a des putes et des bâtards, des frères et des lasses. Car ma chute, ils attendent ça, mon but. Je ne lâche pas, photo. Si je te calcule pas au fond, c'est que tu comptais pas pour moi. Je vais cacher à 6, 7 chips, mon bonheur pour moi. Je vous laisse mes soucis et tout ce qui me bousille. Sur scène on mouille le maillot et les schnecks des groupies. On va faire des sous vite avant le dernier soupir. Et j'ai pas besoin de me le tatouer pour m'en souvenir. Je parle de moi et toi tu parles de quoi? Chérie, ne viens pas me chiner si tu danses plus mal que moi. Chaque jour la même chose, faut que tu doutes que mes frères s'explosent, poussent plus lourd que gousse. On pèse même dans le sale caisse quand on roule en ville. L'inverse c'est comme la pouffe ou la bête, j'en ai toujours envie. M'amène, je peux pas perdre la tête pour de douces gourmandises. J'ai failli mourir 12 fois, mais je suis toujours en vie. J'ai pas des tas de fans, mais j'ai pas des tas de femmes. Car je balance de l'Amérique à chacun de mes passages. Le J.C. Mel, y'a des fleugis qui se perdent. Je te dis petit, j'aime peser, pas jouer à celui qui pèse. C'est ZU qui kick, à l'horizon c'est blitz. Les gens se découpent pour quelques bouts de terre, coucher le long de la rive. J'attends que le soleil glisse son premier rayon. Et fils, file-moi ton crayon et ton vélib. Je voudrais gambader sainement dans une propriété à Kiev. Chiller le long de la scène, te proposer des airs après. C'est fichu, dis-tu, prenant la tête, hey. T'es qu'une pute, c'est ridicule. La brèche, faisons l'appel, le choc est assez violent. Mais ça, qu'est-ce qu'on en sait? On vient les par au nom du Panama. T'es mal leur tête et mes décales font mal à leurs fesses. Recharge mes munitions, échauffées par l'ébullition du retour de flot d'Aladin. On prend des grosses sommes à la péri pour quitter cette terre ferme. On se détend l'épiderme en partant loin du fisc. Fils de, je viens juste retirer mon épingle du fil. La demoiselle est trop tactile, elle aime mes phrases. C'est comme Mike, je flagelle tous les négros fragiles. Hey. Moi j'évite les fans, ouais. Surtout les femmes. Elles veulent connaître le tarif pour monter sur la tour Eiffel. J'ai un énorme sac, comme si je faisais de grandes études. Posté comme celui qui vend ses stupes. On danse pas, on est juste dans cette pute. On est du plus fort, ouais. Ouais, je suis chauvin, certes, mais plutôt sincère. Ferme ta gueule quand je pose un cerf. Bien sûr que le val est bon, les gos finissent par me guetter. Les M6 m'appellent Armageddon. Je me mets à briller sur eux, je vois plus que des ombres. Je me rappelle plus de la suite, donc pas de fuite. Philippe flingue, flingue partout depuis 2008. Pas de problème, j'arrive à Paris. Église la vodka, le Jack Dani. J'arrive du Torska, dans la matrice. Où je suis amateur d'amatrice. Tu me connais, je suis un sale rappeur. Philippe Fall, c'est un fakir. Je marche sur les clous quand je lâche les coups. Mais Philippe flingue, ça flingue de partout, ça lâche les douilles. Y'a pas de problème, Jazzy passe à ma droite. Moi, c'est Alpha One, je te passe le microphone en lame rasoir. J'ai lancé les dés, fuyant les morts sur qui est en vrai mes plaies. La vie me torture, je suis resqué excédé devant l'imposture. Essayant de kiffer un peu, je me marre grandement, me disant que la vie est un jeu oublié dans nos tiroirs d'enfants. Est-ce le fric qui nous pousse à être heureux? Je sais pas. Passe la weed, je roule une cigarette de bœuf. Les gars, prendre la fuite, c'est ce que tu pourras faire de mieux. Nous on joue avec la vie comme on joue avec le feu. C'est ça. Je pars faire car complet. Je suis comme le croupier, j'ai les cartes en main. Il m'arrive de tout aimer, je trace mon chemin. Face à la foule en train de lâcher ma fougue, troublée par le blues. Car plus tu roules, plus on cherche à te barrer la route. Tard le soir, on aime s'adonner à trop d'épouvante. Pas de cash, je suis ici seul, la galère et monnaie courante. J'envoie des images qui te crèvent les yeux. Car la vie est un jeu, et dans ce jeu, je resterai sérieux. Jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs. Je cherche un million de filons pour faire le million, sans me laisser distraire par des traîtres ou des femmes en banilon. Combien se sont vus rois mais sont restés des pions, traités-tels de pigeons si loin de l'hôtel de Crillon. Sache que la vie n'est qu'une éternelle course, pour chaque idée que t'as combien sont sur le même coup. Donc joue la fine, fais ton fric et sans faire des brouf, maximise tes profits pour que ton business tourne. Mais le cash flow faut pas que tu l'idolâtres, faut pas que les billets tombent dans la tête pour ne pas finir comme une Nino Brown. Non, pas de rigolade ou de fivolage. Vise le long terme, si ça marche, réinvestis ton cash. Car c'est le cercle vertueux vers la richesse. Pas sain de corps et d'esprit, pas de drogue ni d'état d'ivresse. Elle me demande si je suis le meilleur sans dire un mot, j'acquiesce. Pas de rapport quand j'ai toujours préféré la finesse. Jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs. Le shit, c'est comme la musique, tu mets toujours repeat, surtout quand c'est des six jeunes hommes. Tomber dans ce vice, ça c'est comme la vie. Tu fumes et elle se consomme. Quelques boulettes sur le trajet se consument, et puis se console, et puis tout seul. Je n'en serais jamais arrivé là. Je remercie mes proches de toujours avoir cru en moi, mon comrie, mon pote. Tu manques, j'ai du vague à l'âme, content que t'aies trouvé ton idéal. À Montréal, on s'est tapé des barres en mode aïe, on était hal. J'ai les images d'Amsterdam. Souviens-toi qu'on était d'aïe. Si j'ai fini mal, c'est à cause de la peur. J'ai pu la tâche, je manque d'air. Mon âme tombe au fond du verre. J'ai pas atterri en enfer. J'ai vu ce qu'il est un enferme. Fils de pute, tu m'enfermes. Fais gaffe au retour de flamme. Je rêve d'une foule qui m'acclame. Ok, ici c'est pour l'entourage, gros. Le freestyle, tu sais que c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi tu veux me boycotter, espèce de tasse? Rien à foutre, je t'écoute, hop, je continue comme un. Sans se place sur la prod, tu m'avais dit 3 minutes, man. Il m'en reste une pour lâcher un freestyle. Parler de l'Olympia, il reste quelques places, mais je crois qu'il n'y en a plus trop. C'est le 14 à l'Olympia, avec tous mes gars, tous mes pirates, on arrivait cette date. Jeunes entrepreneurs dans les bacs. Jeunes entrepreneurs, je mets des claques, c'est fini, désolé, merci à vous, l'entourage. On en avait encore, frère. Merci aux invités qui étaient là aussi. Merci à tous nos invités qui sont venus. Merci à ce gros live. Esprit Noir, merci. Esprit Noir, l'insolent SPM était là. Et toute l'équipe de l'entourage, juste avant de se quitter, dire au revoir, on fait tourner rapidement la roulette. Ah oui, allez. Kev Adams en exclu, à choper maintenant sur Skyrock. Allô Amandine de Puto. Ouais. Ça va bien Amandine? Tranquille. Eh ben bienvenue, on fait tourner rapidement la roulette. Dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti, c'est le principe. Fais la tournée. Stop. Pas mal le stop. Un petit stop. Timide Amandine. Oui. Eh ben c'est des places pour aller voir Kev Adams, ce spectacle qui reprend avec Skyrock dans toute la France. C'est pour toi. C'est cool. Eh ben on te fait plein de bisous Amandine. Merci beaucoup. Passe une bonne soirée. Merci donc à l'entourage. Merci. On se revoit le 14 juin à l'Olympia et puis là dans les bacs. Yes. Hein, jeunes entrepreneurs. Yes. Val Pécho. Merci, petit dernier message avant de retrouver la radio libre de Difool. Bah, il y a le escroc là qui sont en concert, ouais, jeunes entrepreneurs, le projet de jean, le projet de flingue. Faut aller voir le clip, la 75 qui tourne toujours, là, faut le partager au max. Et dans les bacs, il y a toujours Senzo du escrow, Alf Lauren, fin d'après minuit, et jeunes entrepreneurs, le 14 juin à l'Olympia, l'entourage de Qu'est-ce qu'on Alpha, tu voulais dire un truc? Ouais, je voulais dire que c'était une très bonne semaine, l'entourage était là. Et merci aux invités de ce soir, Esprit Noir qui a sorti son projet Licence to Kill il y a vraiment pas longtemps. SPM qui a sorti un projet super spécial, vous pouvez pas la voir parce que c'est comme ça. Mais voilà. Vous êtes trop jeunes. Et au Panama Bendé qui sont aussi venus cracher le feu. Voilà. Merci à vous tous. On va retrouver Difool maintenant. Si. Et oui. C'est l'heure de la radio libre. Et voilà, c'était la fin de la semaine d'entourage. Bah, exact. Ce sera pas la dernière. Déjà Fredo a priori. Non, je pense que là, vu le nombre, l'entourage, il y a du monde. Ah bah si, vous êtes beaucoup, oui. Ça, c'est clair. On va installer nos locaux ici. Ouais, très bien, on va être voisins alors. Très bien. Tant mieux, on déménage. Bon, profitez en tout cas de ce beau week-end tout à l'heure. Il y a la nocturne de Planète Rap et dans la nocturne, il y aura l'entourage. Aussi. Il y a Giorgio dans la nocturne, dans la première heure de la nocturne. Ouais. Voilà, qui débarque aussi, que vous connaissez bien ici dans l'entourage. Si, exactement. Voilà, donc Giorgio à découvrir, qui a sorti un projet il y a quelques semaines. On passera une heure avec lui et puis il y aura des sons de l'entourage aussi. Eh ben ça c'est pas loupé, c'est à partir de minuit. Et puis la semaine prochaine dans Planète Rap, Fred. La semaine prochaine dans Planète Rap, c'est à pas louper sur Skyrock. Ce sera la semaine prochaine dans Planète Rap. Joke. C'est le gars qui a fait Vénus, un morceau voilà, qui tourne. Voilà, Vénus qui tourne. Notre ami de Montpellier qui est marqué de son album Ateyaba. Eh bien, à découvrir la semaine prochaine dès 20h sur Skyrock. Passez un beau week-end. Salut l'entourage, merci pour la semaine. Et là, c'est parti. De rien. Et ce soir, il vient nous rendre visite. Oui, c'est Black M. Black M qu'on retrouvera dans la radio libre, vous tous dans la radio libre aussi tout de suite, vous pouvez nous appeler 01 53 40 30 20. Toute l'équipe est là. Yes. Le temps de s'installer, d'écouter Jason Derulo avec Snoop, un gros son, et on arrive. Fredo, on t'en trouve juste après la radio libre à minuit. Ça roule. Ciao. Ciao. Et à tout de suite tout le monde.